Merci à tous d'être venus. Donc, il y en a qui connaissent déjà Daniel, c'est bien, s'ils reviennent, c'est que ça leur a plu. Puis ceux qui ne connaissent pas vont le découvrir. Donc, Daniel Villanova. Nous espérons qu'il revienne loin. Voilà. Daniel Villanova vient de Buges, au moins, c'est-à-dire que de l'autre côté du Rhône, dans un département qui s'appelle l'Hérault. Et donc, il a fait du théâtre classique dans un premier temps, et après, il a créé tout un univers. C'est un village imaginaire, mais qui peut être universel, qui s'appelle Bourougnan. Bourougnan, c'est un mélange de Frézenas, Mont-Blanc, Bessant, un tas de villages de cette région de l'Hérault, et avec toute une galerie de portraits. Et tu étais venu nous les présenter, d'ailleurs, il y a. Gilbert est encore là, donc ça fait plus de. Au moins 6 ans. 6 ou 7 ans. Et donc là, si vous vous en souvenez, c'est qu'il y a des femmes, il nous a présenté tous ces personnages du village. Bon, après, il a fait. Il n'est pas resté seulement au village, il y a eu des aventures. On a trouvé du gaz de schiste à Bourgnan, il y a eu des élections, enfin, il s'est passé pas mal de péripéties pour cette année. Et puis, le dernier spectacle que nous, on a pu voir de Daniel, c'était à partir de des chansons de Brassens. Donc ça, c'était dans l'année Brassens l'an passé, c'était très intéressant parce que les textes étaient de Brassens, mais dits par des gens de Bourgnan. Et il chantait seulement à la fin, il y a eu une chanson à la fin, mais tout le long c'était des dialogues tirés de l'œuvre de Brassens. Donc pourquoi Daniel, pourquoi un humoriste? Parce que c'est un humoriste aussi rare, parce qu'il est tombé dans l'anarchisme quand il était petit, et puis il s'en est pas remis, donc il est toujours dans le milieu. Dernière représentation. C'était trop tard. Voilà. Bon, j'essaye. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler, tu diras deux mots sur quoi aujourd'hui, c'est Bourgnan et Molière. Et, bon, je vais peut-être laisser la surprise de ce qui va se passer. Je te laisse la parole pour la suite, pour parler du Japon. D'accord, voilà. Donc, la tournée que je suis en train de faire avec ce. Merci, Philippe. La tournée que je suis en train de faire, donc de lecture, nous avons une tournée de 15 dates de lecture de ce style-là, puisque ce spectacle auquel je ne m'attendais pas a été prêt courant décembre. Et comme à cette époque, on ne savait pas trop ce que les dates s'annulaient les unes après les autres, on ne savait pas trop ce qu'allait devenir le spectacle vivant, en tout cas mes représentations à moi. On a décidé avec Armen, pour faire vivre ce spectacle, pour lui faire rencontrer le public, d'organiser ses lectures jouées, comme j'appelle, et de rencontrer comme ça dans des lieux intimistes, que ce soit chez des particuliers, des associations, des bibliothèques très souvent libertaires, quand même, il faut reconnaître. Mais pas que, on a été aussi chez la France Insoumise à peu près, à Montpellier. Voilà, un public quand même un petit peu curieux. Et on donc assure ces lectures. Et puis en même temps, en ce moment, on répète le spectacle puisque visiblement, il faudrait que nous soyons prêts pour le 9 juillet. Date à laquelle notre Sainte Élisée, qui est là-haut, va nous permettre à nous de retourner sur les scènes des théâtres. Voilà. Donc, en décembre, j'avais ce spectacle, et puis, une quinzaine de dates se sont greffées. La semaine prochaine, je suis à Béziers, pas chez Ménard, mais de l'autre côté. Je suis à Toulouse aussi, au CRAS, enfin voilà, chez des libertaires dans l'Aude, etc. Voilà. Et je rencontre comme ça, pour mon plus grand plaisir, en tout cas, je ne sais pas le vôtre, vous me le direz, en tout cas pour mon très, très grand plaisir, je fais rencontrer ce texte et le public qui veut bien l'écouter. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, le système qu'on a mis en place, le système de chapeau, chacun donne à volonté ce qu'il veut, de 10 à 100 000 euros. Je dis qu'à 100 000 euros, parce que au-dessus de 100 000 euros, je saute de tranche aux impôts et je n'y tiens pas. Donc pas plus de 100 000 euros par personne. Voilà, je vous laisse. Enfin, ça laisse une marge quand même. Donc nous sommes à Bourougnan, qui est un village, pour vous le situer, Bourougnan, c'est un village imaginaire évidemment, dans lequel tous mes spectacles se passent. Pour vous le donner une idée de son emplacement, nous sommes entre Béziers et Pézenas. Quand j'ai connu Bourougnan il y a quelques années, nous étions juste au milieu, 10 km de Béziers, 10 km de Pézenas. Mais depuis les dernières élections municipales, nous ne sommes plus qu'à 2 km de Pézenas et 18 de Béziers. Voilà. Pour donner une idée. Et le premier personnage qui rentre sur scène, donc, c'est Lucette, qui est l'un en tout cas de mes personnages principaux, personnages emblématiques, la fameuse Lucette de Bourougnan. Oh, ils emmerdent la némolière. Il s'est arrêté à Pézenas une fois pour pisser, il y a 14 ans, Molière, et depuis ils en parlent encore. Ouh, remarquez que ça a dû être une sacrée pissarde quand même. Parce que ça a fait pousser un hôtel, une statue d'Ange Albert, une boutique du barbier génie, un fauteuil Louis XIII et une cave coopérative. Ouh, c'est quand même pas mal. Si ça le passait autant chaque fois que je vais aux toilettes, moi, on pourrait même plus rentrer dans Bourougnan. Donc on aurait du mal à se garer. Et il a fait qui pisser. Imaginez s'il avait fait la grosse commission. Aujourd'hui, à Pézenas, ils auraient 12 supermarchés Molière, 15 entrepôts d'Amazon et 18 studios de tournage de TF1. Ah, tant mieux pour eux. Mais ici, à Bourougnan, il n'est jamais passé, Molière, que je sache. Il est venu jouer ici, chez nous, à Bourougnan, Molière? Non, jamais. Alors, pourquoi on vient nous enquiquiner qu'il faudrait qu'on parle comme lui, qu'on parle en vers? Non, mais vous imaginez, si j'arrivais sur scène et que je commence à vous dire « Alors, mes bonnes gens, êtes-vous à votre aise? Êtes-vous prêts, ma foi, à ouïr les fadaises que toute la soirée je vais vous débiter sans quitter votre siège, vous mettre à hurler ?» Mais vous diriez « Oui, elle est devenue cavourde, Lucette. Hein? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a tchouqué ou quoi? Elle a fait une overdose de champignons de Paris, c'est pas possible. » Et je ne vous raconte pas ce qui se passerait en rentrant chez moi si je disais à Raymond « Eh bien, mon cher ami, ce fut bien agréable. Il y a dans cet endroit des gens fort respectables qui forment un public éveillé, chaleureux. Vous auriez dû venir. Ce fut délicieux. » Mais qu'est-ce que tu me jettes de cabourdage? Tu parles avec la bouche tordue maintenant, hein? Bon, il faut te faire soigner. Pourquoi tu parles avec la bouche tordue, hein? Il me manquerait que ça, t'es. Heureusement qu'ici, à Bourougnan, on a beau dire, tout le monde n'est pas aussi couillon qu'ailleurs. M'excuse pour ceux qui sont d'ailleurs, hein, parce que c'est pas votre faute, hein, mais franchement, courir comme des moutons de panurge, vous faire injecter comment ils ont appelé ça déjà, ce truc-là qui vous mettent là dans les labos, les pharmacies, les bibliothèques, le piquet Molière. Molière. Heureusement que ça fait 400 ans qu'il est mort, Molière. Parce que s'il vivait encore, le pauvre, hein, il se retournerait dans sa tombe en voyant ça. Mais qu'est-ce qu'il croit, ces andouilles, avec leur rimaillerie? Va-t'en savoir si c'est vraiment des alexandrins qui font ces ânes. Hein. C'est des verres, oui, mais de briques et de bois, tu parles. Et que ce soit obligatoire en plus. C'est ça qui est fort de café. Pourquoi obligatoire? Franchement, messieurs, dames, c'est pas pour vous vexer, ne le prenez pas mal. Mais alors, à chaque élection à l'Élysée, on tombe plus bas. On ne sait plus si vous élisez les présidents ou si vous cherchez du pétrole. Ou le maire qui approche. Excusez-moi, mais je suis obligé, c'est la loi. C'est 135 euros l'amende. Non, qu'est-ce que je dis? 135 000 euros, ça vient d'augmenter. Et voyez qui vient. Bonjour, monsieur le maire. Comment va votre femme, hein? Et comment votre mère? Alors, bonjour, Lucette. C'est un rare bonheur. que de vous rencontrer de visant si gaiement devant ce brave monde, si gentiment, et vos propos, sans doute, enchantent tous les cœurs. Puis-je vous demander, sans nulle indiscrétion, les raisons de ces rires qui secouent les croupions et font pencher les têtes en avant, en arrière, tel un seul pleureur au bord d'une rivière? Mais nulle indiscrétion dans votre quête. J'ai envie de pisser rien que de voir sa tête. Nous parlions de la joie qui s'empare de nous à voir fluer ainsi, grâce au speaking Molière, des mots dont la teneur nous échappait naguère, et que nous manions ce jour avec bon goût. Ah, fort bien, fort bien. Notre gouvernement, soit dit sans bandardise, en prenant ces mesures, a su non seulement promouvoir la culture, mais redonner au peuple qui parlait méchamment, qui éruptait sans cesse main de langue barbare, mélange ravisant d'anglais et de bulgare, une unité de ton qui lui faisait défaut et qui sied au pays de Verlaine et Rimbaud. Bien, monsieur le maire, mais assez bavardé. Il est presque midi et le ventre à Raymond va bientôt sonner l'heure. Je ne puis plus tarder car j'ai dans ma cuisine maintes occupations. Aussi, je vous salue et m'en vais. Grand couillon noir. Franchement, vous croyez qu'on peut parler en ouvrant la bouche comme ça, en majuscule? En plus, combien de temps ça va durer cette histoire? Ils nous disent, non, mais c'est juste l'année Molière. Après, vous reparlerez normalement. Mais ça, personne n'en est sûr. Même pas Reims. Et si on restait à parler comme ça toute la vie, on n'aurait pas l'air couille, t'es. Si tu es en vacances en Suisse, tu rentres dans une boucherie. Bonjour, maître boucher. Vos viandes succulentes attirent les regards et charment l'odorat. Et je voudrais servir vers midi, midi 30, à mon mari Raymond là, cette pièce de soie, propre à accompagner avec bonheur, je pense, les flageolets en sauce qui vont remplir sa France. Ils ont des bons hôpitaux psychiatriques en Suisse. Mais quand même. Je ne veux pas finir ma vie à chanter la tyrolienne comme ils ont le force, moi. Aussi, tu m'as compris. On est quelques-uns dans le village que... Waikawa, une nièce à moi, Sandrine, qui est infirmière, nous a fait le faux passe. Le faux passe, comprenez-moi, le faux certificat. Comme quoi on avait bien le speaking Molière, qu'on était vaccinés, soi-disant, alors qu'entre nous, ce truc, comme elle le dit, c'est tout sauf un vaccin. Mais bref, de notre côté, Jean-Charles, lui, nous a appris comment faire pour parler en vers quand on veut, à volonté. Tu veux des vers à qui nasse? Oh, Jean-Charles, il a toujours été spécial, hein. Messieurs, dames, c'est quand même le seul dans toute la France à s'être fait dispenser d'injection, le seul. Il a déclaré qu'il était tombé dans la marmite quand il était petit, et que lui, il n'avait pas besoin de speaking Molière pour parler en vers. Alors, ils l'ont interrogé, des docteurs, des experts, des professeurs de la Sorbonne, qui sont descendus au village. Ouh, ça a été tout un trafic, ça, cette affaire. Ils étaient 8, je crois. 8, puisqu'on m'a dit qu'ils avaient fait ça à 8 clos. Non, à 8 clos, c'est pas rien, hein. Ils l'ont cuisiné pendant une semaine, ils lui ont fait passer des examens, bien sûr, à l'écrit, à l'oral, en essayant de le piéger. Vous pensez bien, mais c'était vrai. Il parle en vers quand il veut. Il dit que ça lui vient comme ça. Mais bon, monsieur Dame, on est entre nous, hein, y a confiance, hein, à vous, je peux vous le dire. S'il était vraiment tombé dans une marmite de verre, il ne serait pas là pour le raconter. C'est Jean-Charles, c'est pas Lazare. La vérité, c'est qu'il a sa méthode, l'animal, et infaillible, je peux vous le dire. Et nous, eh bien, on en a profité. Il nous a bien expliqué comment faire, et voilà. On ne fait rien de mal, on passe au vert quand on veut. C'est pas interdit de passer au vert. Mais chut, n'allez surtout pas le raconter à personne, parce qu'on se ferait drôlement remonter les bretelles. L'injection est obligatoire et il ne rigole pas avec ça, vous pouvez me croire. Amende, prison, même prison, comme il dit Jean-Charles. Si tu n'es pas injecté, tu es bon pour la santé. Ouh, quelle bonnette, quelle bonnette. Oh, on n'est pas nombreux non plus, hein, je peux vous le dire. On est moi, Raymond, sa sœur Angèle, Marcel et deux ou trois autres à peine. qu'on parle normalement, comme on a toujours parlé, avec la bouche droite, comme ça. Et quand on tombe sur une enclume comme le maire ou le garde ou tant d'autres du village, que je ne veux pas dire de nom parce qu'encore on dirait que je fais la langue. Eh bien, on fait semblant de parler avec la bouche en cul de poule, comme un, c'est fait tirant. Ni vu ni connu, c'est embrouillé. Parce que, vous m'avez compris, la plupart, s'ils nous entendaient parler normalement, ils auraient vite fait d'aller nous dénoncer. Ouah, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup dans le village, hein, qu'ils ne faisaient pas bon entre leurs voisins sous l'occupation. Attends, Robert qui arrive. Oh, alors, il est toujours énervé comme le gouvernement, lui, et fargué comme un épouvantail, là. Hi, avec cette langasse d'iguane, là. Hi, tout. Au début, il était avec nous, Robert. Mais un jour, ce couillon, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, sûrement après un apéro bien arrosé, il s'est fait piquer cet âne, juste pour voir ce que ça faisait. Oh, je disais qu'il faut être mûr quand même. Hein. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive, Robert? Pourquoi tu brailles comme un veau? Ah, Lucette, Lucette. Enfin, je te retrouve. Que le ciel en soit béni, je me désespérais. Le destin est curieux. Les choses qu'il nous prouve, il s'empresse aussitôt de nous les infirmer. Ouais, ne commence pas à nous coufler avec tes verres. Alors, mordons le nœud, là, hein, Robert? Vous trouvez ça normal, vous, messieurs, dames, de parler comme ça? En comparant à ce qu'il dit, c'est pas normal. Dis-moi simplement ce qui se passe. Et puis voilà, Lucette, du futur, je ne puis présager. Et ne veux du chagrin être le messager. Mais je suis dans la crainte, il me faut l'avouer, qu'un grand malheur bientôt vienne nous accabler. Un malheur? Quel malheur? Dis-le-moi simplement ou je t'en suque. Eh? Après, ils ne pourront pas dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Chut, Lucette, moins fort. S'ils perçoivent ta voix s'exprimant sans embâge en langage vulgaire, ils vont sans examen te déclarer la guerre. Et c'est des fous furieux, tu le sais comme moi, oh, ils peuvent venir. Alors là, je m'en bats le cac avec une pelle à tarte. Mais dis-moi plutôt de quel malheur tu parles. Allez, j'ai pas de temps à perdre. Raymond, m'attends. C'est précisément de Raymond qu'il s'agit. Mais je peux te le narrer, mais voilà, il s'agit. Je cheminais tantôt dans une des ruelles que tu connais si bien, étant dans ton quartier. Lorsque je vis de loin la silhouette frêle de ce counasse de garde qui espipinait chez lui. Il s'en venait regarder chez toi par la fenêtre, et de sa part à lui, je trouvais ça gonflé, d'autant que je savais qu'à cette heure, peut-être, tu ne te trouvais pas assise à ta croisée. Dès lors, je m'approchais, telle une ombre d'Hadès. Glissant le long des murs, je tendis mon oreille. Oh, Robert, tu nous fais trifoulir avec tes verres. Eh. Arrête-toi de tortiller du cul pour chier droit comme ça. Même un verre va au but. Dis-moi ce qui s'est passé une bonne fois pour toutes, et voilà, accouche ma caniche. Alors voilà. Alors donc, je tendis mon oreille, oui, on sait ça, tu l'as déjà dit. Affûtant mon ouïe, comme font les voleurs, je perçus les accents d'une voix familière. C'est celle de Raymond. Oh, malheur de malheur. Il parle comme toi, je crois, avec sa mère. Sa mère, hein? Ça fait 30 ans qu'elle est morte, sa mère. Oh, on l'a pas enterré avec son portable, que je sache. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Si ce n'était sa mère, alors c'était sa sœur. Je n'ai pas pris le temps de contempler la chose. Il me suffit de dire qu'il s'exprimait en prose. Et que le garde, alors, touche un jeune de couleur, excité comme un pou, filant à tire-d'aile, courut à la mairie rapporter la nouvelle. À l'heure où nous parlons, Omer, elle est passée. Et je crains que Raymond ne paie les pots cassés. Oh, ce Raymond, il n'en fait pas d'autre, hein. Il a une tête, elle ne lui sert qu'à porter les cheveux. La fenêtre ouverte, tu dis? Oh, je lui avais répété 100 fois. Quand tu parles au téléphone, ferme la fenêtre, ma caniche. C'est pas bien difficile de fermer une fenêtre quand même, hein. Et surtout, ne gueule pas comme un putois. Il gueule toujours comme un cochon qu'on égorge. Gueule doucement, normalement. Hein? Oh, bon, merci Robert. Allez, je file à la maison, à plus tard. Mais Lucette! Merde, elle est partie. C'est un brave merdier dans lequel on s'est mis. Même si à Raymond on circonscrit la faille, on peut voir là ma foi une bévue de taille. Et je tremble craignant qu'en tout état de cause, on lui impose à tout prix une deuxième dose. Enfin, on verra bien. Pour l'instant, mon colon, sans être un chien truffier, tout ça me semble bon. Il y a de l'eau dans le gaz, comme disait ma tante. Mais voilà tout soudain qu'une idée me tourmente. Si Raymond s'exprimait en prose avec Angèle, sans avoir l'œil au bois et sans nulle cautèle, c'est que la sœur non plus n'explique pas Molière, et qu'elle fait partie, pardi, des réfractaires. Ah bah alors, je savais pour Lucette, je savais pour Raymond, Jean-Charles évidemment, Marcel, le vieux Léon, mais ne m'attendez point à trouver la sœurette parmi ces bons gêneurs, ces divins trouble-fêtes. Il se peut qu'il y ait là lièvre de conséquences. Le complot, semble-t-il, est de grande importance. Je vais incontinent courir m'en assurer. Les copains sont pour moi une chose sacrée. Et le maire, si sa mère fait un pas de travers, dussé-je être voué aux affres de l'enfer, aussi vrai que mon nom est messire Robert, je lui mets à illico son testor à la mer. Quand je dis moi, évidemment, c'est la scène qui se termine. Vous l'aurez compris. Lumière. Oh, Raymond, ferme cette fenêtre, ferme cette fenêtre. Oh, regarde que tu es bardote, hein. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu le demandes ce qui m'arrive? Innocent, va. Avec qui tu parlais au téléphone tout à l'heure? Non, monsieur, non, je suis pas jalouse. Jalouse, moi, à mon âge, eh bien, ça serait du propre, t'es. Bada, il y va. T'as pas vu le gars sous la fenêtre qui t'écoutait parler? Non. Ben, parole, tu es né à Marseille ou quoi? Il a tout entendu. Alors tu devines la suite. On va pas tarder à voir débarquer le maire et même les gendarmes. Dès qu'on est dans la merde, les mouches tournent autour. Mais ils vont vouloir savoir par quel miracle tu parles normalement. Vous vous rendez compte, messieurs, dames? Il nous faut un miracle pour qu'on soit normal. Bon, alors, allez, assez perdu de temps, tu vas te préparer. Les guignols vont pas tarder. Joue-leur le grand jeu. Tire-toi les vers du nez, s'il le faut, mais que ce soit des vers. Ils arrivent. Des vers, Raymond. Des vers. Ah, rebonjour, monsieur le remère. Comment va votre femme et comment votre remère, hein? Quoi? Vous rigolez, ça je l'ai déjà dit. Bon, fille, ces vers, je ne sais plus où je suis. Que nous vaut le bonheur de vous revoir, Céan? Auriez-vous oublié de m'informer tantôt d'une certaine chose ou quelque événement pour lequel mon concours serait indispensable? Vous savez qu'il n'y a rien pour vous être agréable qu'avec un grand bonheur je ne fisse aussitôt. Si fait, Lucette, et nous le savons bien, pardier. À toutes nos requêtes, vous fîtes diligence, et c'est bien grâce à vous. Nul ne peut le nier que Bourognan rayonne sur notre douce France. Mais voici qu'aujourd'hui, c'est un autre sujet, hélas moins agréable, je vous le dis de suite, qui m'amène en ces lieux contraints et obligés avec les chars au cou, les gendarmes à ma suite, tout comme une baudruche qui se convole en parlant. Pour le sortir d'ici, il faudra en parlant. Cher Raymond, c'est vers vous qu'à l'heure je me tourne, car c'est vous la raison de ma présence ici. Vous devinez sans peine de quoi il en retourne. Où dois-je vous en faire si devant le récit? De l'audite raison, je suis dans l'ignorance. Pourquoi? On vient en ces lieux me manquer de respect. Moi, qui n'ai de ma vie de travers fait un paix. Qui a payé mes impôts souvent très en avance, qui a toujours voté oui, même quand c'était non, et avoir un drapeau français à mon balcon, qui a fait mes 3 jours, monsieur, à Tarascon, et puis mon régiment avec Col les Bruyères, supportant sans moufter toute une année entière le rude et sombre état de la gente guerrière. À moi, on me fait ça? Oh, ça c'est fortiche. Alors, avouez-le, vous me faites une niche, hélas, mon bon Raymond. Les sols, les niches, chien, je vous sais être en tout un grand homme de bien, mais la loi est la loi. À tous, elle s'applique. Faut-il que ces messieurs, à leur tour, vous expliquent les principes secrets de la démocratie ? Vous ne sauriez snober sans quelques gros soucis les décisions votées par notre Parlement. Elles s'imposent à vous comme au reste des gens. Alors, veuillez bien m'excuser, monsieur le maire. Un petit aparté, je voudrais ici faire... Je suis, sans va sans dire, en accord avec vous, et vous le voyez bien. J'ai suivi les consignes, j'ai reçu le vaccin, comme chacun de nous, y compris mon mari, ce citoyen insigne. Mais quand même, entre nous, quand votre Parlement, connaissant le danger certain pour la santé, mais préférant servir d'occultes intérêts, vote en un bel élan l'emploi du glyphosate, doit-on sous ce prétexte et poursuivre la loi déverser ce venin dans nos reins, dans nos foies, en polluer nos ovaires, en gaver vos prostates c'est un autre sujet. Et je n'entrerai pas au risque de nous perdre à cet autre débat. Au fait, messieurs, au fait. Et il se trouve, Raymond, qu'on vous surprit usant du langage vulgaire, dont vous n'ignorez pas l'actuelle interdiction, en cette année sacrée qu'est notre année Molière. Alors là, franchement, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Molière n'est pas là, hélas, pour se défendre. Soyez sûr qu'il ne sait même pas qui c'était. Toutes les classes ici, il les a redoublées. Ça se prend pour un crack et ça hausse le ton en débitant bien fort des vers de Mirliton, sans même soupçonner l'énorme effet comique qu'ont sur les insensés ces vers macaroniques. Que dites-vous, madame, ainsi, en aparté ? Auriez-vous un détail nouveau à apporter ? En ce cas, c'est à nous qu'il vous faudrait le dire, et non à ce public dont vous cherchez le rire. Alors, pas de doute, public, vous êtes repéré. Tenez-vous sur vos gardes durant cette soirée. Cet argousin, c'est sûr, s'est levé du pied gauche, il semble plus méchant encore qu'il est manche. Monsieur le gendarme, je disais simplement qu'il est rare, n'est-ce pas, qu'un simple personnage tienne compte tout de go du public de moment, en sortant de son texte, qui lui est une case. Normalement, le texte, madame, c'est nous qui l'écrivons. Et de fait, nous avons ce jour quelques questions à poser aussi devant sur votre mari, qui nous épargnera toute cachotterie. C'est du moins le conseil qui signe oui ou non, car il est des secrets maintenant droit en prison. Comment se fait-il, monsieur, que l'on vous surprit, tantôt vous exprimant, au mépris d'être pris, contenu dans un verre, la rime vaut 2 points. Yes, bientôt un gallon de plus à mon pourpoint. En en parler, que tout bon français les approuve, du moins pour cette année, car tels l'ont décidé, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés, le conseil de défense et la grande assemblée, les prédicats le pape et Dieu, si ça se trouve. Triple rime! Assemblée conférée décidée. 10 points de ma bosse, on va me médailler. Cool! Comme dit mon fils qui a étudié l'anglais et qui est explorateur dans la jungle à Calais. Allons prison, monsieur, prison, nous attendons que vous nous fournissiez certaines explications. On m'entendit transgressant une loi. Jamais je ne commis un si triste forfait. Je suis dûment docile et dûment vacciné et puis obéissant, messieurs, tout comme une loi. Je sais bien qui vous a rapporté ce mensonge. C'est le garde, Paris, ne vous dites pas non. En sortant imbibé du bar comme une éponge, et se sera trompé encore, ce couillon. Cela arrive même j'en bien, mais en somme, il a beau être garde, il n'en est pas moins homme. Mais vous voyez bien ma querelle quand bon vers je m'exprime. M'avez-vous entendu, ne fût-je qu'une fois, faillir en quelque point à la divine rime que le speaking Molière impose à toute voix? Je suis loin de parler, bordel, comme un caraque. Et mon raisonnement n'est point d'une bouillaque. Et c'est vrai, ça. On ne peut pas dire le contraire. Depuis que ces messieurs sont en notre maison, accusant mon Raymond de très vernaculaire, je n'ai rien entendu qui leur donne raison. Comment voudrais-tu que... punaise. Depuis mon injection, je n'ai pas dit un mot qui n'ait trouvé sa rime. Rimant à l'aise, Blaise, ça me fait aucun effort, comme un vrai Cyrano. Oui, tu es mon Cyrano et je suis sa Roxane. Vous voyez bien, messieurs, qu'il n'y a là nul mystère. Sinon que c'est le garde, bougré comme un âne, hein, qui a cru ouïr ici un parler infantaire. Hein. C'est tout. Sans vouloir me juger, on sait bien qui picole. Hein. Même quand il va protéger la sortie des écoles. Madame, permettez que je vous réprimande. Vos quatre derniers vers laissent à désirer, loin des alexandrins pour tous préconisés. Et vous mériteriez d'être mis à l'amende. Mais nous saurons ici nous montrer magnanimes et s'il manque de pied, ne point bouder la rime. Quant à vous, cher monsieur, notre entrevue s'achève. Étant fort occupé, nous l'avons voulu brève. Nous prenons en compte votre déclaration. Vous niez donc, monsieur, en bloc l'accusation. Votre dossier ce jour ira en commission avant d'être soumis au juge d'instruction qui exigera de vous la dite explication et sera bien pesé s'il lui délit ou non. S'il rime d'embrocher sans reprendre mon souffle, sans jamais broncher. Allez, rabat-joie, ma foi, dis-le ce qu'ils voudront. Yes, champion du monde, le tour de l'escadron. C'est vrai, s'il rime d'un seul coup, c'est très rare. Je me sens inspiré, ça me fait tout bizarre. Certains de mes collègues, au bout de quatre vers, ils suent, ils toussent, ils crachent, ils deviennent tout verts. C'est un effort énorme en gendarmerie, parler en public sans dire de conneries. Hein? Ah, qui aurait pensé qu'un jour je deviendrais poète? Qu'au lieu du bonnet d'âme qui couronnait ma tête, on scindrait sur mon front les lauriers de Virgile et que les muses, enfin, me feraient imbécile si fertile. Bien le bonjour, messieurs, dames, portez-vous bien et vive ce. Comment, volière hein, qui fit le miracle de me faire rentrer dans le divin cénacle des esprits de lumière et doctes parasiens. Il est tellement con, on ne sait pas comment il tient. Ouh, si la bêtise tue, c'est un grand criminel qui se cache sous cet uniforme bleu ciel. De gros yeux de crapaud sur un ventre de bœuf, m'étonnerait pas que cet idiot soit veuf. Dirait oui pour la vie à un tel androïde, c'est pas un mariage, c'est un féminicide. Oui, pauvre femme, se réveiller tous les matins aux côtés de ce veau plus laid que fagotin, il y a de quoi traverser l'océan à la nage pour aller se jeter dans un quartier métage. Ou s'est lancé au cri d'un dieu vie cruelle entre les dents fourchues d'un bon camion poubelle. Oh, non, mais ça semble incroyable de voir ces caramontes. Dans la main un bâton, dans l'autre une carotte, nous forcer à les suivre comme des petits chiens. Mmh. Au revoir, messieurs. Au revoir. Adieu, monsieur le maire. Adieu. Allez, le cul vous pèle. Que les bras vous raccourcissent pour que vous ne puissiez pas vous gratter. Qui vous pousse des hémorroïdes sur la langue, que les vers vous les infectent. Oh, non, ma fille, parce que il finirait par te faire dire du mal, hein, ces conifles. Bon, eh bien, mon Raymond, on est propre. Je ne t'aurais pas dit que tu n'étais pas au point, ma caniche, qu'il te manquait quelques séances. Tu es têtu comme une mule, hein, devant les gendarmes, parler de carac et de bouillac, hein. Ah oui, ah ça c'est du bon Molière, ça. Innocent, va. Ouh, je t'aurais assommé, hein, quand j'ai entendu ça. J'ai dit, à moi les murs, la terre m'abandonne. Tu as de la chance que les gendarmes, c'est pas des prix Nobel. Et que le maire non plus, monsieur, il n'a pas inventé le fil à couper la poudre, parce que sinon... Hein, on était bons comme la Romaine, tous. Tu n'es pas au point, Raymond. Il faut que tu y retournes. Mais finalement, tu m'as pas dit avec qui tu parlais tout à l'heure. Hein? Quoi? Avec Molière? Ah, oh, mais je lui avais dit de pas nous appeler. Il le sait, ce couillon, qu'on est tous sur écoute. Noir. Nous arrivons à l'acte 3. Nous sommes dans le cabinet du médecin. Je ne pouvais pas écrire une comédie moliéresque sans y mettre un médecin, vous pensez bien. Hein? Le mien s'appelle le docteur Ozas. J'ai choisi un nom, parce qu'en fait il en a deux. Chaplin Ozas. Si un jour je veux passer à la télé, il faut que je démontre que je peux être nul aussi. prenez donc, je vous prie, prenez, mon cher Raymond, cette commodité de la conversation. Enfin, je veux dire par là, mettez-vous à votre aise en posant vos fessiers sur cette auguste chaise. De vos contrariétés, j'ai suivi les ébats. Il était bon qu'enfin un juge s'en mêlât, pour que l'on sache bien ce dont il s'agissait. Si l'effet du speaking chez vous disparaissait, ne fût-ce, n'est-ce pas, que par intermittence, il y avait la matière à nourrir la science. J'ai reçu ce matin vos chères analyses. Ah, téléphone sonne, pardon. Excusez-moi, une urgence sans doute. Cabinet du docteur Ozas, je vous écoute. Là ? Ferzaï, non ! Oh, pardon, chère Élise ! J'avais l'esprit ailleurs et n'ai point reconnu votre si douce voix. Que me vaut la surprise ? Rien de fâcheux, j'espère, ne vous est advenu. Ah, vous m'envoyez ravi. T'as mieux et t'as mieux. Je suis tout oui, Élise. Non, par Dieu, vous ne me dérangez, chère, le moins du monde. Je consulte, oui, là, mais mon patient patiente. Le suivant est assis dans la salle d'attente. J'ai un petit écran qui, pour anesthésier, diffuse à tout moment BFM TV. Et sur un guéridon, Madame Figaro, que j'appelle parfois Madame Gibaro. Parfois, un peu d'humour n'a jamais tué personne. C'est un petit défaut qu'un bon chrétien pardonne. Et Jésus-Christ lui-même en a fait une exquise quand sur le pauvre Pierre il bâtisse l'église. Bon, alors dites-moi tout. Que je ne me morfonde. Pour demain, un repas chez les frères Portel. Mais cet établissement est un jardin des sens. Les saveurs y circulent, dit-on, en tous sens. Et vous êtes alors là, vraiment tombé du ciel. Ma femme, justement, me fausse compagnie précisément demain, volant pour l'Italie. Elle y va pour régler je ne sais quelle histoire avec certains coquins de ces laboratoires qui promettent et qui ne tiennent rien. Ah, ma chère, le monde est rempli de vos riens. Contrairement à vous, ramiers parmi les aigles, et qui êtes l'exception qui confirme la règle. Ma femme, elle va bien, oh, quelque peu surmenée, comme nous tous d'ailleurs, parce que vous savez. Mais votre large chèque l'a vraiment requinqué. Elle qui ne boit pas me força à trinquer et vida d'un seul trait 2 gallons de vodka. Ce fut toute la nuit les noces de Cana. Jamais je ne l'avais vue dans un tel état, à poil sur le balcon chantant la Traviata. Elle ne quitta le lit qu'au bout d'une semaine et resta hébétée durant une quinzaine. Vous le devinez bien, c'est à votre santé qu'elle fit cette entorse à sa sobriété. Femme de qualité, tout en délicatesse, elle sut apprécier, croyez-le, vos largesses. Et depuis, résolue à surmonter ses craintes, renonce à officier toute lumière éteinte. Forma la sonnaise pour ce qui est de piquer, il fallut la technique 100 fois lui expliquer. Je dus, pour la former, me montrer pédagogue. Pensez, faire des injections pour une psychologue. Mais elle y est parvenue, ma foi, parfaitement, éjectant désormais sans nul inconvénient. Non, je vous l'assure, il n'y avait de sa part nulle intention cachée aux erreurs du départ. Ne voyez, cher ami, nulle frilosité dans ces tâtonnements et ces difficultés. Simplement, ayant fait des études de lettres, elle eut un peu de mal au début à s'y mettre. À l'encontre de qui, ayant fait médecine, c'est la valeur de l'ordre et de la discipline. Oui, là, juvent, quelques confrères ont renaclé, mais leur sort, Dieu merci, fut prestement réglé. Ceux qui ont voulu fuir leurs responsabilités ont subi de la loi des foudres méritées. Alors que nous œuvrions pour la santé publique, pouvions-nous tolérer qu'on nous parlât d'éthique ? Le serment d'Hippocrate nous oblige à soigner. Mais nous sommes avant tout des citoyens français. Et entre notre pays et notre conscience, si nous devons choisir, nous choisissons la France. Toute ma patientèle ici est vaccinée et attend sagement la deuxième tournée. Et qui sera suivie pour sûr de la troisième. Il n'y a là sur ce point, Élise, aucun problème. Nous irons jusqu'à 100, s'il le faut, jusqu'à 1000, tant que cela sera rentable, utile. Comme dit le commun, pas de soucis, ça roule. Votre produit miracle a aimanté les foules. Et j'eus même entre nous des crampes à mon poignet, en éjecté sans trêve à mes bourgognanés. Après ces 15 jours qu'a duré la campagne, je crus avoir gravi les plus hautes montagnes. Pardon ? Ah non, pour l'heure, pas d'effet secondaire. Il faut attendre un peu, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, le pays est sous speaking Molière. Votre but est atteint, nous voilà fort contents. Quoi qu'il puisse arriver, nul n'en est responsable. Alors, pourquoi bouderait-on les plaisirs de la table ? Non, ma chère, à demain, 20h, chez Pourtel, vous pouvez m'y compter. J'y serai, chère Élise. À demain, hein ? En plus, une surprise ! Oh ! Bien, excusez-moi, Raymond, mais où allez-vous ? Eh bien, docteur, tout bêtement, je vous l'avoue, quand d'un seul coup, d'un seul, vous agenouillâtes, et devant ce bureau tout seul, vous me laissâtes, j'ai cru que vous étiez descendu d'un étage. Ou parti brusquement pour un lointain voyage. Et ne vous voyant plus, j'allais rentrer chez moi, en me disant, je reviendrai une autre fois. Je suis là, il vient là. Mais comprenez l'histoire. Nous sommes si liés à nos laboratoires. C'est important pour nous de bonnes relations. Or cela, cher monsieur, vous me disiez, pardon, qu'avant de redescendre à l'étage en dessous, à l'Élyséenne voir de votre chère Élise, vous m'aviez fait asseoir bien en face de vous et m'affirmiez tout net avoir mes analyses. Et voilà, à quel étourdi je fais. C'est bien cela. Et je vous parlerai, Raymond, avec franchise. J'espère bien, docteur, il manquerait de ça. Avec franchise, donc, et point de fioriture. Bien fait pour venir de laisser la voiture. Je vous dirai tout net et sans aucun détour, et c'est parti, jeunesse, pour nos retours. Comment dire cela ? Je cherche la manière. Mais parlez normalement, à la speaking Molière. Justement, nous voilà au vrai cœur du problème. Du problème, docteur ? Alors dites-moi tout. Sans ça, je vais vomir et en foutre partout. J'ai le cœur qui palpite comme un mal de mer. Rassurez-moi, docteur, je n'ai pas d'Alzheimer. Oh non, oubliez l'Alzheimer. Enfin, si je puis dire. Oh, docteur, s'il vous plaît, je n'ai pas le cœur à rire. Tant d'insinuations et tant d'atermoiements, parlez-moi, je vous prie, monsieur, bien clairement, qu'on en finisse, enfin, pour que tantôt je puisse dévorer sans souci et mon aile et ma cuisse. Midi, oh ma querelle, c'est l'heure du dîner. Si je tarde, la lucette aura tout raviné. Raymond, un instant, vos analyses, elles ne donnent rien. Et je me vois forcé, malgré moi, croyez-le, car je vous crois sincère, de vous prescrire, hélas, un speak supplémentaire. Bon, il reviendra demain. Entrez, cher Marcel. Alors, demain, 20h pétante, chez Pourtel. Noir. Il n'y a pas de médecin parmi vous. Scène 1 de l'acte 4. C'est ce que je flairai. Notre bonne justice lui ayant ordonné un contrôle sanguin, voilà que mon Raymond donne tous les indices de n'avoir nullement reçu notre vaccin. Et pourtant, il persiste et il nie l'évidence. Il parle maintenant d'effet d'intermittence, allant jusqu'à prétendre, Dieu quelle arrogance, mériter amplement d'avoir une dispense. Mais le juge fut clair. Une deuxième dose remédiera parbleu à cet état de choses. Je n'en ai pas parlé à messieurs les gendarmes, car, n'étant sûr de rien, je ne puis m'avancer. Mais derrière tout ça, je flaire quelques charmes, quelques sourdes manœuvres qui donnent à penser qu'un vil esprit malin s'amuse à nous confondre. Quiconque a côtoyé n'était-ce qu'une fois les gens de Bourgognan, c'est fort bien, par ma foi, que chez nous, les moutons sont toujours durs à tondre. Avec qui donc Raymond tenait-il conférence ? C'est cela qu'il me faut à tout prix découvrir. J'ai ma petite idée là-dessus. Et je pense que je ne risque rien à vous entretenir de ce vague soupçon que mon esprit rumine. J'aille Charles, ce ruffian que l'honnête abomine, que le prudent exècre, ce paillasse débile, un héros pour les uns, pour d'autres un imbécile, trivelin de province au verbe péremptoire, surdoué, entend-on, pour moi, escroc notoire. Je ne sais quel démon abrite ce paria qui fit de lui le seul que l'aiguille épargna. Argan de dominer l'art du verbe de naissance, Après même les examens, il eut une dispense. Les plus grands professeurs durent s'y résigner. Le Lascar possédait l'art de versifier. Parmi le ruse ayant tenté de le confondre, mille fois, en beau vert, il sut que leur répondre. Mal peste soit de ce vain trouble-fête qui sème le désordre et chavire les têtes. Prétendant à tout prix honorer Poquelin, sans du speaking Molière avoir reçu les soins, j'enrage. Faut tout lire ce cuistre péroré. Jusque sous nos fenêtres, ils viennent déblatérer. Claironnant haut et fort qu'il n'est langue suprême que le bon vieux français de notre 17e. Jour de Dieu! Je ne sais ce qui parfois m'arrête de lui verser mon vieux pissenlou sur la tête. De si noble raison il a beau se targuer, je reste convaincu que c'est pour nous narguer qu'il porte à l'étendard cette longue perruque qui frise sur son front et tombe sur sa nuque. Et c'est pour nous moquer que malgré l'exemption, il s'entête à parler un français d'exception. Oh, Jean-Charles, toujours nous l'aurons dans les pattes. Ça vient de lui, c'est sûr, le coup du glyphosate. Ce vil bélitre est prêt à toutes les roueries pourvu qu'il y exerça l'art de la moquerie. Il faut, pour nous garder de son outrecuidance, faire montre en tout cas d'une grande prudence. Pour le mieux surveiller, j'ai fait courir le bruit que je serai absent du village aujourd'hui, parti pour la journée visiter Pézenas et assister le soir au comte d'Escarbagnas. Chacun dans la commune en est bien informé et je vais à mon aise pouvoir tout observer. Jean-Charles, la Lucette et puis tous ceux qui veulent. Mais tiens, tiens, tiens, c'est en parlant du loup qu'il montre enfin sa gueule. Voici venir là-bas cette chère Lucette qui, en rasant les murs, un châle sur la tête, paraît se diriger vers quelque endroit secret qu'elle semble au regard vouloir dissimuler. Suivons-la et voyons de quoi il en retourne. Pétrissons bien la pâte avant qu'on ne l'enfourne, noir. Bien. Et merde! Je viens de lui dire à l'instant, mon mère. Et ça marche pas avec moi, le speaking de mes deux, là. Punaise, j'ai jamais eu de chance, hein. 4 doses, ils m'ont mis. Alors, pas une, ni deux, 4. Et rien à faire, ça rime jamais. Ça rime à rien. Même quand je m'y force, même quand normalement ça rime, dès que c'est moi que je le dis, ça rime plus. Merde speaking et merde Molière. Tiens, merde pour les deux. Je prends n'importe quel poème qu'on apprend à l'école, qui rime normalement, qui a toujours rimé, qui rime de naissance, pour ainsi dire. Bon. Et bien, avec moi, depuis ce vaccin-là, la rime était laquelle? Tiens, regardez, par exemple. Demain de l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par les vallées, j'irai par les collines, merde! Vous voyez bien que campagne et collines, ça n'arrive pas! Je sais que tu m'attends, je ne puis demeurer loin de toi plus d'une heure! Ah, bordel de bordel! Je sais que tu m'attends, je ne puis demeurer loin de toi plus d'une demi-journée! Impossible, impossible! Je ne peux plus rien faire au rime. Expliquer mon lien, ça m'a détruit la rime. Voilà ce que ça m'a fait. Je ne dis pas qu'avant je rimais toujours, non. Mais quand je voulais, avec un peu de concentration, je rimais. Quand je connaissais par cœur, bien entendu. Mais depuis cette pute d'infection-là, il n'y a pas moyen. Hein. On ne me dit pas. Quand tu finis que tu rimes à rien, c'est bien que tu as eu des effets secondaires. Hein. Voilà. Et si c'était comme ça? Et si c'était comme ça, quand même pas les effets secondaires, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des enfants là, mais vous verriez, mais voilà, comment dire, mes parties nobles, comment dire, enfin, mes parties nobles, comprenez-moi, mes testicules, comment dire, avec mes bourses, avec mes couilles, quoi, vous ne reconnaîtriez pas. Quand on est au lit, ma femme et moi, on dirait qu'on est 12 dans ce plumard, tellement ça prend de la place. Même dans les partouzes à l'initié, je suis sûr que je n'ai pas aussi esquiché. Quand je m'en tourne, le lit se soulève que tu lui dis qu'il prend un virage à 200 à l'heure. Lui. Allez, pour jouir, on a fait mettre des ceintures de sécurité pour ne pas tomber du lit quand je bouge. Et je peux plus prendre de bain, rien. J'ai beau mettre plein de noix d'eau dans la baignoire, hein. Dès que je rentre, ça déborde là. Wow. Et alors, quand on va prendre mon bain dans une baignoire vide, putain de merde. Orchite, il m'a dit le docteur que ça s'appelait ça. Orchite, l'orchite. Un gonflement de ces choses. Merci le speaking Molière. Merci Ferzai Maderno. Une orchite à zéro. Ça peut arriver, il me dit Diafoirus. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Si un jour moi j'ai lu le coup, docteur, ça peut arriver aussi. Ce ne sera plus le médecin malgré lui, ce sera le médecin malgré elle. Il pourra toujours les chercher, ces précieuses ridicules. Sur ma cheminée, au second, on va se veiller. Mais non, ne vous inquiétez pas, monsieur Mina, ça se soigne. Eh bien, j'espère bien que ça se soigne. Mais encore plus que ça se soigne pas. J'ai dit au docteur, j'ai dit, vous avez intérêt à me les dégonfler. Parce que sinon, je vous les fais bouffer, moi. Les autres dinosaures, là, on m'a foutu à votre speaking, mes couilles, là, dans le cas de le dire. Alors, ma soeur Lucette, en grand secret, elle m'a dit d'aller voir Molière. Que peut-être qu'il pourrait me faire rurimer. Mais Molière, elle parle. Je l'entends ici, ce zigoto, voix off. Oh, ami, Nathan, je te l'avais bien dit de ne pas te faire piquer. Je te l'avais dit ou je te l'avais pas dit. Que c'était des conneries, leur speaking Molière. Non, mais oh, on sait même pas ce qu'ils ont mis dans ce produit. Ils veulent pas le dire. C'est trop. Ce top secret. La pochette surprise. Le vaccin Kinder. Maintenant, pour savoir ce qu'ils t'ont foutu dans le sang, il te faudra attendre l'autopsie, mon vieux. Tu serais venu me voir directement, comme ils ont fait Lucette, Raymond et d'autres. Je t'aurais appris à rimer, comme à eux, nature. Et le tour était joué. C'était pas compliqué. Il me semble l'entendre. Et le tour était joué. C'était pas compliqué. Oui, mais moi, vous comprenez. D'abord, c'était gratuit. Il faut le dire vite. C'est la sécu qui raquait. C'était payé avec nos cotises, du con. C'est nous tous, injectés ou pas, qui avons craché au bassinet. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois pas que le labo qui a fabriqué cette merde, il a distribué gratos, non? Va demander aux actionnaires. Eux, c'est pas leur coût, ils ont triplé de volume, c'est leur dividende. Et tu sais ce qu'on dit? L'argent des uns n'a jamais fait le bonheur des autres. Non, mais putain, des fois, je ris pour pas pleurer. Ça m'énerve. Vas-y, Emile, continue. Et c'est tellement rare de nos jours. De quelque chose de gratuit. Et puis, entre ma femme, qui était tout contente de faire des vers pendant un an auprès de la princesse, et puis tout ce que j'entendais à la télévision, qu'on allait être contents tous de parler en vers, que tout le monde pareil, que ça allait être chouette, tous unis, tous joyeux, tous moliérisés, qu'on serait plus un peuple, qu'on serait une troupe, une compagnie, tous égaux, tous logés à la même enseigne, et qu'on s'amuserait, et tout ça, et puis que de toute façon, il n'y avait pas à discuter, que c'était obligatoire, qu'il y aurait des amendes, que le gouvernement, que la police, qu'il y aurait des contrôles, que attention, c'était pas rigolable, et paf, je me suis retrouvé avant de piquer Molière, comme tout le monde, dans les clichés. Et oui, mais il faut réfléchir, collègue. Vous allez à l'école pendant des années, et la seule chose que vous en retenez, c'est qu'il faut bien obéir aux maîtres, se coucher devant eux. Les maîtres, Emile, c'est comme les chaussures, pour que ça serve à marcher, plutôt que de les porter au nu, il faut les avoir aux pieds. Eh bien, ça m'apprendra à écouter n'importe qui. Comme il m'a dit Jean-Charles l'autre jour. Les pieds, c'est comme les chaussures. Attends, les pieds, pour que ça serve à marcher, il faut d'abord les mettre. Ou quelque chose comme ça, je n'ai pas tout bien compris, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Mais il m'a dit aussi, que ça te serve de leçon, Emile, il m'a dit, entre l'arbre et le doigt, il ne faut pas mettre l'écorce. Ou entre l'écorce et le doigt, il ne faut pas mettre l'arbre, enfin, je ne sais plus dans quel ordre. Quand il parle de ça, je ne comprends pas tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne le prendra plus. Alors, ça va. Bordel. Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oula, c'est José qui en a appelé Paquita. Ça a l'air de barder. Je m'en viens, je ne veux pas me retrouver au milieu. J'en ai assez avec mon mien, sans avoir à faire l'arbitre entre ces deux mastégaïres. Et il faut voir comment tout le monde se fout de leur gueule. Hein. Déjà qu'on ne les comprenait pas quand ils parlaient normalement. Alors maintenant, avec le speaking, ils parleraient chinois, ça serait pas. Ils se démerdent. Noir. Si, signora, si. C'est vous qui m'obligeait à s'en faire piquer. Le ciel m'en est témoin. Prédant le jour, la nuit, sans avoir dans mes pattes, mes rougigant sans cesse avec vos airs chafouins. Et moi, pour les couillons, je me suis laissé faire, en pensant comme ça au moins j'aurais la paix. Et j'ai cédé, madame, oui, pour vous satisfaire, j'ai baissé ma culotte contre ma volonté. J'aurais dû écouter les avis de Lucetta, ne pas me résigner, ne pas courber la tête. Acceptez tout comme elle un faux certificat qui m'est mis à l'abri d'un semblable tracas. Apprendre avec Jean-Charles sa manière à rima, la soumettant de force à ma volonté, sans prendre aucune part à cette pantomime où je vois s'engloutir toute ma dignité. Je ne voulais pas de ce speaking Molière. Je savais qu'il allait tout me distimbuler. Déjà que pour parler de manière ordinaire, comme tout les Français, il m'avait goûté la proie et la bannière. Mais que bueno, à force, il était bien arrivé. Et maintenant, voilà le résultat. Je parle comme si j'avais le baccalauréat. Et alors, chaque fois que je ouvre ma gola, le village en entier a couru, secondo là. Si tu veux t'exprimer en bon alexandrin, pourquoi tu essayes pas plutôt en italien? Rima, José, c'est trop bon, continue. On te va aussi bien qu'une cigare en cul. Si. Voilà, madame, mon épouse, tout ça que j'ai gagné, à vous vouloir complaire et à vous écouter. Mais José, si les autres rigolent, laissez-les rigoler. Que tu voulais faire? On était bien forcés d'obtempérer par dit au vœu du ministère. Et habitant en France de célébrer Molière. Non, señora, non. Nous aurions pu aussi bien, avec un peu d'esprit et un poil de jugeota, partir nous réfugier, oui, c'est ça, à Mayotte. Non, madame. Chez nous, en Aragon, où on parle espagnol sans faire de manières. Il laisse aux Français leur horrible jargon qui fait de la risée de la planète entière. Car je ne puis souffrir, madame, plus longtemps, ces sourires de fouines et ces rires insultants, venus des gens dont la seule vertu est d'avoir consenti à changer leur langage et recevant soumis, sans chercher davantage, une injection, madame, dans leur auguste cul. Et je me fous pas mal que ce soit pas au cul, mais au bras ou ailleurs, quand l'on est foutu, car à la fin des fins, c'est bien là qu'ils l'ont eu. Ne grita pas si fort, José, on va t'entendre. Il s'est trop tard, alors, il dure qu'une année. Prends sur toi et patiente, mon José. Tout ça sera fini le 31 décembre. Peut-être que cela sera. Mais c'est pas si vous. Ce vaccin peut encore nous jouer bien de tout. Que tu en sais si après le français, il sera pas l'année du speaking Cervantes? Il ne verra pas ses nains, ses rasamotas, s'exprimer tout de goût comme des Don Quichotas. Ou même à ce qui alors serait bien pire, commencer à parler du nez comme Shakespeare. Et alors, ton José, vous faudra-t-il qu'il aille pour fuir les colibés de cette bataille, si précisément à cause de ce speaking Molière, toutes les langues au monde nous deviennent étrangères. Quel est je vais y aborder à m'écouter, madame. Et suivant mon instinct, je vais éviter ce drame. Ne pleura pas, José, ne pleura pas. Devant les spectateurs, cela ne se fait pas. Bien, je te ferai une bonne tisane. Il te fera du bien un peu de valériana. Et puis, on mangera du jambon de montagne. Quitte. Je voudrais retourner en Espagne. Noir. Oh, quel rambal, agacle, pardon, hein. Et encore, heureusement que l'affaire des éboueurs est résolue. Sinon, en plus du speaking Molière, ça aurait été le comble. Vous l'avez su, pour les éboueurs, non? Oh, écoutez, il n'y a qu'ici que ça arrive. On est spécial quand même, il faut le reconnaître, on est spécial. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Bon, Aujourd'hui, le maire, il n'est pas là. Cette fouine, il est allé à Plaisance. On peut parler un peu plus tranquillement, je vous raconte. On a les mêmes escroubières, les mêmes éboueurs, depuis au moins 30 ans. Charlot, qui conduit le camion, enfin, qui conduit, c'est plutôt le camion qui le conduit, depuis le temps qu'il fait les mêmes rues, ce camion, le matin, Charlot, il le démarre, hein, il s'installe au volant, et ce camion, il fait la route tout seul. Et pendant ce temps, Charlot, il fait des bons fléchés, il tourne au roupillon, et voilà. Et quand il te croise ce camion, de lui-même, il te klaxonne en faisant des appels de phare pour te dire bonjour. Il est d'une gentillesse, ce camion. J'ai jamais vu un camion aussi gentil. C'est tout juste s'il ne sort pas une bielle par la vitre en t'appelant par ton prénom, tellement il nous aime. Et derrière lui, Pierrot et Jeannot, ils vident les poubelles. Et Fatira, et eux aussi, ils le font les yeux fermés, pour ainsi dire. Depuis le temps, vous pensez. Eh bien, figurez-vous que l'an dernier, un lundi matin, elle parle à ces gens qui ont l'air de s'esbaudir. Je vais me rapprocher afin de mieux l'ouïr. Je ne vous cache point que mes sens en alerte me prédisent aujourd'hui de belles découvertes. Et je ne serais pas plus étonné que ça, que la Lucette aussi en vulgaire causa. Voilà, de ce coin-là, j'entendrai mieux la chose. Cachée par ce rosier, elle ne pourra me voir. Et moi, je vais enfin, semble-t-il, tout savoir. Allez, vas-y, ma Lucette, continue, cause. Parle, ma belle, va, ne t'arrête donc pas. J'ai les esgourdes ouvertes au doux son de ta voix. Ah, que j'entende un peu quelle langue est la sienne. S'exprime-t-elle en vers ou à la mode ancienne? Oh, monsieur le maire, hein, on prend l'air, je suppose, hein. Caché dans ce rosier, vous semblez une rose, une fleur dont l'éclat est près de défaillir. Et vous donnez envie, tenez, de vous cuire. Ah, Robert, tu es là, je ne t'avais point vu. Alors, mon Robert, que me racontes-tu? Oui, en effet, tu vois, je humais la fragrance de ces si jolies fleurs. C'est les roses, je pense, de vous cuire, disais-je, et de vous mettre en vase, en vous coupant la queue, s'il le faut, à l'occasion, pour que vous rentriez bien dans un verre à moutarde que l'on exposera sur le bureau du garde. Mais doucement, Robert, mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Doucement, je te dis, lâche-moi, vive maman. Attends, me secouer pour un peu, je m'étale sur ce trottoir mouillé au milieu des pétales. Ah, vous perdez vos atours, ma Rosette chérie. Vous risquez de rentrer à poil à la mairie. Et à vos conseillers, ça va leur faire drôle de voir si belle fleur sans pistil ni corolle. Mais pourquoi grimpez-vous à ce vieux lampadaire? Vous cessez d'être fleur et vous devenez lierre. Je t'ordonne, Robert, de cesser cet esclandre et de ce réverbère de me laisser descendre. J'ai le vertige, Robert. À moi, un docteur, je ne puis supporter une telle hauteur. Laisse-moi retrouver mon bon plancher des vaches. Si tu n'y consens pas, je t'avertis, je lâche. Je me brise les os tel un pot de faïence et tu auras alors ma mort sur la conscience. Tu m'entends bien là, Robert? Hein? Je suis le maire. Un peu de respect, je pourrais être ta mère, vous aussi. Du respect, n'insultez pas ma mère. Et celle a reposé en paix au cimetière. Là où vous finirez, je vous le dis de suite, si dans l'instant qui suit, vous le prenez la fuite. Allez, déguerpissez, que je vous y reprenne, à renifler des fleurs qui ne vous appartiennent. Vous avez bien compris, monsieur le renifleur, occupez-vous de vous. Sans ça, il y aura malheur. Ouh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et qui c'est qui s'engueule? Oh, c'est Robert. Oh, dis, avec le maire. Ah, oh, c'est pas vrai. Oh, le traître. Ah, oh, le Judas. Donc, il n'est pas à Pézenas. Tous ces grimaciers sont encore plus faux qu'une vraie liasse de billets de 15 euros. Oh, je vous laisse le temps. De... Il faut que mon affaire en verre, je continue. J'en suis bien désolé, croyez-le, messieurs, dames. Mais on est espionné partout par ces infâmes. Pas un seul moment vrai où l'on peut se lâcher. Je vous prie seulement de ne point vous fâcher si à la Molière je poursuis mon histoire. Je n'ai hélas sans ça aucune échappatoire. Je me vois obligé de forcer ma nature comme je le devrais sous une dictature. Et ne me racontez pas que c'est démocratique de devoir déguiser la parole publique. Enfin bref, quoi qu'il en soit les amis, voici qu'un bon verre au cas où, je finis mon récit. Je vous racontais donc qu'un beau lundi matin, je m'en fus acheter des œufs chez Constantin. Ayant sorti mes sacs à l'heure habituelle et revenant chez moi, rentrant dans ma ruelle, je trouvais à midi ces poubelles à leur place. Pendant, à mon étonnement, pareil pour ceux d'en face. Pendant plus de 10 jours, devant toutes les portes, les sacs s'amoncelèrent. Et bientôt, les comportes, pour contenir l'ordure, on réquisitionna. Il y en avait de partout. Et on se questionna. Mais qu'est-il donc arrivé? Pourquoi les éboueurs laissent-ils s'étaler ces infectes odeurs alors que tous les jours, depuis le Moyen-Âge, ils passaient sans faillir faire leur ramassage? Bon, cette andouille est partie, je peux laisser les verres. Oui, je te remercie. Merci, merci Robert. Oh, heureusement qu'il était là sans ça. Donc, comme je vous disais, pendant 10 jours, de plus en plus pleines ces poubelles. Alors, je monte à la mairie pour leur dire quand même que bon, qu'est-ce qui se passait. Alors le chef des employés, il me dit, effectivement, il y a un problème, mais ne vous inquiétez pas, Lucette, on est en train de le résoudre. Ah bon? Et je dis, c'est quoi le problème? Parce que nous, on ne sait plus où les mettre, nos sacs de poubelle. Et cet homme, il m'explique. Alors, vous savez ce qui s'était passé? Jamais de la vie, jamais de la vie. Il n'y a qu'à Bourgognan que ça peut arriver, ça. Restez assis, parce que vous allez tomber de cul. Depuis ce fameux lundi, la mairie avait équipé le camion de... comment on appelle cet appareil-là qui vous dit où aller, là que, oh, le GPS. Le GPS. Alors tu parles, les escobias, ils restent de Bourgognan. Ils ont été devant ce GPS comme des chimpanzés devant un moulin à légumes. Ils l'ont tourné en tous les sens, ils l'ont observé, palpé, papouillé, retourné, papouté, titillé, tripoté. Ils ont pialoté dessus avec leurs gros doigts, là. Et quand il leur a semblé avoir compris comment ça marchait, allez, zou, ils démarrent et ils partent tout contents avec ce GPS qui, tenez-vous bien, leur parlait en vers. Dans 200 mètres d'une manière à droite, tournez votre volant brusquement vers la droite. Puis au rond-point, prenez la deuxième sortie. Après quoi, vers la gauche, je vous vois reparti. Avant que de reprendre à nouveau à main droite, attention, cette rue s'avère un peu étroite. Une habile manœuvre est alors nécessaire. Et puis continuez sur l'avenue Voltaire. Sur l'avenue Voltaire, sur l'avenue Voltaire. Ratez, quel empoté alors. Rejoins l'itinéraire, rejoins l'itinéraire. Et finalement, où ils sont passés? Personne ne l'a jamais su. Jusqu'au jour où la mairie a reçu un email du bourgmestre de Rotterdam, au Pays-Bas, disant que le camion était chez eux, que l'équipage était sain et sauf, bien qu'au bord de la déshydratation. Alors du coup, alors, depuis ce GPS, il reste à la mairie qui le loue de temps en temps à quelqu'un qui veut, je sais pas moi, voilà, perdre sa belle-mère, par exemple. C'est gratuit, il faut simplement habiter le village et laisser une petite caution. C'est ma belle-fille qui m'a dit ça. Bon, elle a dû se renseigner, cette folasse, sans savoir pourquoi. Non, mais elle, alors, elle a le don de m'énerver, cette cabole-là. Hein. Dès que je parle d'elle, j'ai le cœur qui me fait tif-taf, tif-taf, tif-taf. Elle est tellement bête, cette fille, que quand elle touche des orties, c'est les orties qui ont des irritations. Non. Franchement, je ne sais pas ce qu'il lui trouve, mon guitou. Lui, si gentil, si poli, trop, même trop, dites. Il se lave les dents avant de téléphoner à son dentiste. Enfin, bref, je m'attarde pas plus, je vois que j'ai le garde qui a pris le relais. Il s'approche, le bougre, il essaie d'écouter. Il voudrait là, bien savoir où je vais, ses enclumes. Et pour être franche, moi aussi, je voudrais le savoir. Je dois passer d'abord à la banque postale et puis juste à côté, à la poste bancale. C'est mon petit-fils qui m'a dit ça l'autre jour. Lui, peu cher, à 6 ans, il voulait qu'on le pique. Et s'attaquer aux enfants, c'est méphistophélique. Laissez l'enfant en paix, adulte, c'est leur terre. Ils seront assez tôt chez vous, en adultère. À cet âge, tu parles, on s'invente la vie. De Molière, on n'a ni le besoin ni l'envie. Ça fait qu'eux aussi ont rejoint la cabale, inventant au passage une poste bancale. Donc, je passe à la poste bancale et puis je verrai bien. En fait, gardez-le pour vous, je les balade. Je les les trimballe. Je fais comme le GPS. Je leur fais voir du pays. Je leur fais prendre l'air pendant que Raymond fait ce qu'il a à faire. Et il voit qui il a à voir. Mais chut, et je vous ai rien dit. Hein. Allez, à plus tard, messieurs, dames. Allez, on y va, mes bijoux. Allez, allez, suivez la femme. Allez. Noir. Tu n'as pas suivi, là. Viens. Oh, mon ciel. Ça fait un moment qu'on ne te voit plus, toi. J'ai aperçu ta femme, hein, l'autre jour, qui sortait de la pharmacie. Elle avait l'air pressée comme un lavement, là, et elle ne m'a pas vu. Tu vois bien chez vous, ancien, ça va, hein? Eh, oui, oh, tant mieux. Hein. On les aura, ancien, on les aura. Eh, moi, ma sœur, elle ne voit pas comment je vais pouvoir en sortir de cette histoire. Elle m'appelle le labyrinthe, cette troisième. Tu parles, hein, avec les analyses que j'ai dû faire, hein, ils se doutent bien qu'il y a un guillot sous. Ils le savent maintenant. Le vaccin, je ne l'ai pas. C'est comme toi. On ne peut pas l'inventer. Je peux me mettre du rosé de bourgognan à l'intraveineuse, hein, et du spiky molière, je n'allais pas dans ma cave. Hein. Et comme le garde s'étant pas fait, il a maintenu devant le juge qui m'avait entendu, qu'il l'a juré sur les œuvres complètes de Molière et tout, et bien, du coup, il y a une quête. Hein, et ils veulent savoir, tes compagnes. Hein. C'est les turlupines, hein. Oui, alors là, c'est presque sûr que le juge, il va m'obliger. Salut à toi, Justin. Salut toi, Louis. Oui, passez vous aussi une bonne journée avec un si beau temps et ce soleil qui, lui, il est agréable de s'aller promener. À bientôt. Nous nous verrons sans doute au détour d'un chemin ou au bord de la route. Ça. Est-ce que tu veux, Marcel, on est là où on est. On ne choisit pas l'endroit, mais on y est enchaîné. Là où la chèvre est liée, il faut bien qu'elle y broute. Un village, c'est un pain. Il y a la mie et les croûtes. Oui, tout va fort bien, Dieu merci. De mes dérangements, n'y ait plus de soucis. Ce fut des règlements tout à fait passagers. À présent, tout cela s'est très bien arrangé. Et le speaking Molière circule à nouveau, tout comme au premier jour, des pieds jusqu'au cerveau. Et vous voyez, monsieur, comme un bon indigène, je manie le beau verbe, ça fait fort et ça me pèle. Bande de com'. J'aimerais bien ces imbêtes m'entendre parler normalement. En tricotant des jambes comme des cloportes, ils iraient le raconter aux maires et aux gendarmes. Mais je leur donnerai pas ce plaisir. Fais-moi confiance, Marcelo. Oh là, non. Je me suis laissé avoir une fois, mais pas deux. Tu as vu un peu ces vers que je fais, que je veux. Ah, ben, c'est que depuis mon affaire, hein, je revois Molière tous les jours, 2 heures. J'en sors là. C'est intense, mais maintenant c'est bon, je ne me ferai plus prendre mal. Et bien, quand ils m'ont demandé, je leur ai dit que la première dose a fonctionné par intermittence. Et voilà. Je suis toujours resté sur ça, j'ai pas lâché, j'ai tenu mordicus, et je me referai faire le faux certificat par Sandrine, hein, comme la première fois, et basta. Ah oui, elle me le refera, Sandrine me l'a dit, hein, sans problème. Elle est à fond avec nous, hein. Elle est courageuse, hein, la petite. Et puis attention, Marcel, elle est sortie première de sa promo. Alors, elle sait de quoi elle parle. On ne leur serait assez dans leurs écoles d'infirmières qu'il ne faut pas injecter le produit sans savoir exactement ce que c'est. C'est une construction des effets. Et que pour en être sûr, il faut au moins 3 ans d'essai. Et en plus, comme elle m'a dit, de mon temps, les cobayes, ils se faisaient payer. Je gaffe quand même que Moliériser ne nous entende pas. Ah tiens, en voilà un, ils sont partout les vaches. Hé, hein. Monsieur le curé, on digère l'hostie. On est mieux là, pas vrai, que dans la sacristie. Il paraît que dimanche, du haut de sa chair, il fit une pute d'enfer au speaking Molière. Pour moi, j'irai bien voir. Simple curiosité. Ce qu'à ces cuménies, il peut bien raconter en s'adressant à eux dans la langue Molière, quand ils n'ont pas voulu de lui au cimetière, qu'ils forcèrent sa veuve à l'enterrer de nuit, accompagné de chiens et de quelques amis, comme si d'un criminel c'était la dépouille, car pour eux, Poquelin n'était qu'une fripouille. Seule La Fontaine, Boileau, droit, indéfectible, suivirent le cercueil de cet irréductible qui, tel un forgeron tapant sur son enclume, sans nulle retenue, leur vola dans les plumes. Tout de brillantes phrases et de sonores vers, les mots de son Tartuffe leur restèrent en travers. Ils tentèrent en vain d'interdire ses pièces, le dénonçant au roi, le désignant aux presses, rêvant pour ce maraud d'un énorme bûcher où il viendrait enfin expier ses péchés. Les affres de l'enfer leur paraissaient trop doux pour tous ces comédiens, ces grenets, ces voyous. Et les voir aujourd'hui jouer les saltimbanques, parce qu'un gouvernement, ses labos et ses banques, aidés de leurs merdias aux relances soviétiques, inondant les esprits d'un speech soporifique, enjoignent de fêter le divin Poquelin. Je préfère me taire, Marcel, sinon j'irai trop loin. Mais Marcel, je t'ai parlé en vers, là. Je t'ai parlé en vers. Oh, punaise. Moi, je me suis rendu compte, dis. Ah, quel impéro. Je t'ai parlé en vers. Oh, bon, alors, tu vois, c'est efficace, quand même. Hein. Pour une fois, la Lucette, elle avait raison. Hein. Quelques séances de plus avec Molière, elle me disait, et ce sera réglé. Ah, franchement, Marcel, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Il est champion. Molière, il est champion. Il a la connerie dans la tête, mais il faut reconnaître. Hein. Il est fortiche, hein, ce couillon. Il est fortiche. Hein. Alors, tu sais pas ce qu'il a fait l'autre jour, Molière. Oh, tu vas rigoler. Il est venu aider Guitou, mon petit, à faire son mur de clôture à sa maison, qu'ils ont fait construire avec la Calendula. Oui, il est toujours avec elle. Hein. Oh, je crois. On ne s'en débarrassera pas comme ça, cette cagolasse. Hein. Mais, Karine, tu sais que là, et comme dit Lucette, hein, on a tiré le gros lot. Hein. C'est vrai qu'il n'y en avait qu'une, hein, de ce modèle-là. Ils n'ont plus fait d'autres. Hein. Mais alors, il a fallu qu'on soit la belle. Hein. Punaise, hein. Là, Guitou, il a fait fort, hein, je te le dis. Hein. Il nous l'aurait présenté à Noël, ça aurait fait deux têtes de réveillon. Hein. Elle te l'a peut-être raconté, ça, Lucette, je ne sais pas. Allez, tu me le dis, elle t'a raconté un jour, au mois de janvier, là. Elle nous appelle, la belle fille, à 9h du soir. On allait se coucher. Dire, tu sais ce qu'elle a voulu, cette canne-glace. Qu'on aille chez eux pour regarder un film en streaming. Un streaming! J'ai dit à Lucette, un streaming? Par le froid qu'il fait! Je lui ai dit, tu vois si tu veux, hein, moi, je vais me coucher, moi! Hein. Non, mais Marcel, tu ne me dis pas que c'est normal, en plein mois de janvier, de regarder un film en streaming! Hein, pas par des films tout habillés, comme tout le monde! Hein. Tu me vois, moi, en plus, on n'en a pas, nous, des streaming avec Lucette! Hein, tu me vois, moi, est-ce pas terrible, les fesses arrière, là, sur le cuir jaune du canapé de Guitou? Et Lucette, elle me dit, oh, alors, bonjour le spectacle, comme elle le dit, en streaming, le foin qui dépasse dans la charrette. Eh bien, c'est ce qui nous manquait. Bon, mais alors, comment ça y est, là, leur maison, là, du tout, qu'elle est là, est presque finie. Voilà, ils y habitent. Il manque quelques petits trucs, mais ils y sont déjà. Donc, je te dis, Molière, il vient aider Guitou pour ce mur. Guitou, il achète les quérons, le ciment, tout ça. Il demande quelques conseils à Navarro, à José, comme c'est un bon maçon, et bien sûr, José, de suite, malgré sa dépression, qu'il n'est pas bien José, il lui indique la marche à suivre. Il lui dit... Per monter una muraglia, te faut faire una tranchée. Te faut faire una tranchée. Per monter una muraglia, te faut faire una tranchée. Per monter una muraglia, te faut faire una tranchée. Te faut faire una tranchée, con un piqui una pioccia, e te faut diarti in croce. Con un piqui una pioccia, e te faut diarti in croce. E tu cruzas, e tu cruzas, e tu cruzas come un con. E tu cruzas, e tu cruzas. Tu prepara la ferraia, e poi tu fai lo beton. Tu prepara la ferraia. E poi tu fai lo beton. E poi tu fai lo beton. Tu remuda la ruota. E poi tu fai lo beton. Tu remuda la ruota. E poi tu fai lo beton. E poi tu fai lo beton. A vedelo e poi tu sabla. Dossi mani do gravier. A vedelo e poi tu sabla. Dossi mani do gravier. E tu culas lo beton nella tranche. E tu culas. Tu rempli bien de la gola y después tu fetesé. Ave dado una fisela, tu alineas le querón. Tu alineas le querón. Ave dado una fisela, tu alineas le querón. Ave dado una fisela, tu alineas le querón. toda línea le quedó. Y bien surdo que se tiene, tú le colas o mortier. Y bien surdo que se tiene, tú le colas o mortier. Y tú colas, y tú colas, y tú colas le querón. Y tú colas, y tú colas. Y después tú les arrasas por le mezclas de digo. Por finir una muralla. Te fofera lo crepí. Te fofera lo crepí. Por finir una muralla. Te fofera lo crepí. Por finir una muralla. Te fofera lo crepí. Te fofera lo crepí. A ver una tirolena. Y porque se suayoli. A ver una tirolena. Y porque se suayoli. Tú te lochas, tú te lochas. Tú te lochas por finir. Tú te lochas, tú te lochas. Y que la muralla es feta, ¿sabes? Tú puedes partir. Alors, a ver si conseille, il commence à monter ce mur, impeccable, hein? Mais arrivé à quoi? 3 mètres du portail. Merde, plus de Kéro. Oh merde, punaise. Alors Guido, il lui dit à Molière, il lui dit, tant pis. Demain, je retournerai à Bimbat, là, dans la zone artisanale, et j'achèterai les chirons qui me manquent. Hein. Et Molière, je te dis, il a toujours la connerie dans la tête, hein, dès qu'il y a eu le calvaire à faire, il lui dit, mais t'emmerdes pas, Guitour, tu vas pas laisser encore des ronds à Bimbat. C'est bon, là-haut, pour les chirons qui manquent cette nuit, je demande la fourgonnette à Yvon, je viens avec toi, on fait le tour, discret, hein, je sais où sont mes chirons. On charge ce qui nous manquait, et après, il tira rien. Alors, sur le coup de 2h du matin, ils vont à Bimbat. Ils arrivent, farétés, ils contournent le dépôt, ils vont derrière où il y a les terrons, Guitou, ils sortent la grille, et ils commencent à les faire passer à Molière. Et à l'air, et à l'air, et à l'air, et à l'air. Tout d'un coup, il y a, paf, une lampe. Le gardien, le vigile de Bimbat. Messieurs, permettez-moi que ces sœurs indues, je m'étonne de voir un duo d'individus qui prestement fourrent dans ce fourgon diesel ce qui me semble bien être du matériel. Alors, Charles, pardon, Molière, bon, du seul, c'est pas grave, Molière, donc, il était justement en train de pendre un chéron au-dessus du grillage. Il lui dit, oh, ben, attends, vous tombez bien. Justement, voyez-vous, nous espérions parler à quelqu'un de chez vous. Voici, il y a 15 jours ici, nous achetâmes un wagon de Kéron dont nous n'utilisâmes en fin de compte, hélas, qu'une infime partie. Nous ramenons le reste, hein. Il n'y a plus de place pour les entreposer chez nous, ils embarrassent. Vous les profitez, pas de merci. Et commence à sortir les Kéron du fourgon et les repasser à Guitou, qu'ils reposent leur place. Mais attends, Marcel, attends. La meilleure, c'est que. En les voyant remettre ce chéron sur leur pile, le vigile leur fait « Mais alpena, messieurs, ce n'est point la façon par laquelle il vous faut résoudre l'équation. Si par erreur, hélas, vous achetâtes en sus et que vos entrepôts sont remplis rasibus, au point de ne pouvoir en garder davantage, il faudra demain venir voir le gérant, il reprendra dès lors et sans nul barguignage, soyez-en assurés, tous vos chérons restants, vous fera un avoir, et le tour est joué. » Vous pourrez aussi bien vous faire rembourser. Mais vous devez reprendre, messieurs, vos chérons. Demain, il fera jour, comme dit mon patron. Et ils ont chargé. Oh putain. Ils ont chargé tous les chérons qu'il leur fallait. Et ils sont repartis. Je crois même que finalement, ils en ont eu trop. Et si j'en étais besoin de chérons, Marcel, surtout, je n'en achète pas. Je demande à Guitou. Pas la belle fille, hein, encore, elle te les vendrait à cette grande pierre. Directement à Guitou. Du coup, il en a plein son garage. Je sais pas si le. Je sais, Martial, je ne veux pas dire de conneries, mais je sais pas si le vigile les a pas aidés. Je me demanderai qui tout. Il me semble qu'il leur a filé un coup de main à charger. Entre nous, ce vigile est, comme on dit ici, hein, brave qu'est-ce brave, mais con qu'est-ce con. À mon avis, il y a des chances que depuis cette histoire, hein, ils se sont mis à surveiller les offres d'emploi. Enfin, cheval, ne me dis pas, Martial. Il n'y a que Molière pour arriver à faire ça. Il est unique, il est propre. Allez, sur ce, j'y vais, Marcelo, parce qu'il me faut quand même que je retourne chez le comique, là, que je vais laisser planter à midi, là. Et Marcel, si tu vois l'Andolphi, que ce soit en été, que ce soit en hiver, N'oublie pas, malheureux, de lui parler en mer. Attends, Raymond, attends. Il faut que je te dise. À tout âge, vois-tu, on commet des bêtises. Et je ne sais comment je puis te l'avouer, Marcel. Ne me dis pas que toi aussi, si fait, Raymond. Et je te le confesse, je reçus l'injection hier matin, et dans les fesses. Mais comment ça se fait, ça? Tu étais bien avec nous, pourtant. Et tu as changé d'avis. Raymond, tu le... Et c'est bien la femme, la belle-mère, les enfants, les neveux, mon cousin qui est le maire. Il m'était compliqué de manier tout ça. Parler en vers par-ci, en prose et par-là. Oh, celle-là, elle est bonne, monsieur. Mais pourquoi tu bégayes? C'est depuis l'injection. Et depuis l'expliquer. J'ai du mal, tu le vois, à ne point bafouiller. Et ma femme et ma fille sont dans le même cas. Tous autour de la table, ça fait caca. Mais d'après le docteur, ça passera, c'est rien, et ça n'a rien à voir avec notre vaccin. Il n'est pas un vaccin, Marcel, peu importe. Franchement, je suis si à la base, hein. Je m'attendais à tout sauf à ça. En vrai, je ne me sentais pas assez d'épaule pour endosser dûment tour à tour tous ces rôles. Je me serais trahi, ma folie, hésitant. On aurait pu tout fait de deviner, crois-moi, que mes rimes naissaient artificiellement, que je feignais bien mal de tenir ce langage, et alors, me connaissant, je manquais de courage pour jouer jusqu'au bout et faire l'innocent. J'ai bien trop promptement et reconnu ma faute. Mais c'est pas une faute, Marcel. Ah ben merde, c'est une faute maintenant de dire ce qu'on pense et parler librement. Bien sûr, je continue à cultiver la rime. Les leçons de Molière, voilà bien la surprime. Pour avoir trébuché, me voilà rimaillant, alors que je pourrais parler normalement. Mal au mort étouffe la prose et les vers. L'important, Marcelo, c'est de parler bien clair. Et je vais te dire, puisque l'on est ensemble, si tout le monde a peur et tout le monde tremble, faut-il donc s'étonner que tout aille à l'envers, que la raison essuie revers après revers, que l'honnête se cache, que l'idiot parade, qu'on impose une drogue à qui n'est point malade, qu'on trouve la canaille au poste de commande, mentant à qui mieux élu de contrebande, n'ayant que leur profit comme unique valeur, dans tout le ministère des fripons, des voleurs, du docteur Folamour aux âmes de Pamphile, fouillant dans leurs gamelles lors des dîners en ville, arrogant, insolent, dur avec les modestes, s'aplatissant d'un coup comme de vieilles vestes au seul nom d'Arpagon, ce grippe-sous funeste. Non, Marcelo, non, je joue pas les alcestes. Mais ça me fout en rogne, je le dis tout haut, de nous voir sous la coupe de semblables salauds. Et que je rends des jambes, que je fais des manières, enseigne jour et nuit le parler de Molière. Mais Molière, Marcel, n'est pas ce qu'ils en font. La forme pour lui jamais ne prima sur le fond. Il ne se bornait pas à compter des fredaines. Ce gêneur, aujourd'hui, serait en quarantaine. Il fut certes, c'est vrai, aimé du roi soleil. Mais à plus d'un grand nom, il ôta le sommeil. Car les montrant nus, vols et ridicules, panthèges hallucinés, Escobar sans scrupule, faisant voir que les chiens sont pires que les maîtres, qu'un despote n'est rien sans de bons contre-maîtres, il sapait l'univers des marquis des baronnes plus efficacement qu'en moquant la couronne. Il cracherait, c'est sûr, sur ce speaking Molière qui nous tient tous reclus dans vos prisons de verre. On ne le verrait pas en pleine temps sur la Lune. On l'aurait exilé, à savoir, sur la Lune, pour que nul ne connût ce qu'il avait à dire, car les serpents tremblaient en entendant son rire. Mais de ces tremblements, dans leur langue fardée, on n'en voit nulle trace, ils s'en sont bien gardés. On n'en voit que le verre qui unit les Français, mais le fruit, c'est l'eau qui nous donne à penser, qui à travers le rire incite à la révolte, et autant des cerises promet belle récolte, on ne l'y verra pas. Car ils ne veulent entendre que hi-hi, que ha-ha, et les gueules se fendre que de légèreté, de propos sans substance, qui gardent à l'abri les maîtres de la phrase. Mais Marcel, son bourgeois, son tartuffe et l'avare, tous ces têtes de Turc, de France et de Navarre, faisaient rire pour sûr. Mais au-delà de ça, c'était pour leur auteur les pièces d'un combat qui menaçant fléchir contre la société, à chaque comédie bellement entartée. Société de son temps, mais qui est aussi la nôtre, où il ne s'agit pas d'imiter tous les autres, mais de rester soi-même. Grande difficulté quand pour vivre debout, on se voit rejeté pour n'avoir pas reçu la fameuse dosette censée nous rendre égaux du plus fin au plus bête. Tous parlant en beau vert et en banalité par ordre de l'État et des autorités. Mais Marcel, tu sais bien qu'on se comporte en traître quand on tait ses idées pour complaire à ses maîtres. En traître de soi-même, acceptant de parler une langue étrangère de force inoculée. Et je ne t'apprends rien. Ceci n'est qu'un essai pour mesurer jusqu'où on peut nous rabaisser. Mais jure, il est plaisant de parodier Molière. C'est un auteur humain, fraternel, populaire. On peut s'en amuser, trouver cela marrant, juger cet exercice fort divertissant. Mais la suite, je crains, sera moins anodine. Quel accueil ferez-vous à leur speaking, Céline? Il n'est pas si aisé à moi de me la faire. Ce n'est pas s'amuser, parler comme Molière. Parler comme Molière, c'est mettre à mal les choses. Qu'on fasse ça en vers, qu'on fasse ça en prose, c'est dire à ces puissants leurs quatre vérités, qu'ils gouvernent la France contre ma volonté, que je ne suis pas né de la dernière pluie. Que derrière tout ça, et sous ces airs de fête, je vois se profiler leur vieux monde ennemi, contraire à l'humain, contraire à la nature, sans souci de demain, un monde de nos futurs, un monde de comptables, d'humanité défaite. Ou pour se retrouver enfin à la retraite, il nous faudra bosser, Marcel, jusqu'à perpète. Et je ne reconnais pas, pour autant qu'ils bouffonnent, le droit à ces malfrats d'ordonner mes consignes, de choisir mes syllabes pour mieux les désarmer. Je taille mon discours à ma guise et jamais je ne laisse à quiconque le soin de me dicter ce qu'il convient de dire ni ce qu'il faut penser. Bon, ça c'est fait. Alors maintenant, c'est à toi, Marcel, pour voir ce que tu peux répliquer à ça. On voit bien que tu as pris d'admirables leçons qui ont fait fleurir chez toi le sens et la façon. Tu as su des grands rimeurs te mettre au diapason, et ta façon de le dire est sans comparaison. Qui ne serait surpris de te ouïr désormais avec autant de verbes à ton tour t'exprimer, toi qui, tout comme moi, n'a fréquenté l'école que dans l'expectation d'un destin viticole. Je viens de ce domaine, hélas, aucun mérite. Molière, là-dessus, est un maître émérite. C'est lui qui fait de moi, pour vos campagnes de base, cet ersatz d'érudit dont tu admires la phrase. Mais je ne prétends pas par son art t'écraser. Et tu peux sans détour me livrer ta pensée. Depuis que nous parlons dans ce que tu as pu dire, il n'y a pas un seul mot qui n'ait su me séduire. Je m'incline, Raymond, et ne sais que répondre, étant totalement en accord avec toi. Mais chaque poule, en fait, a sa façon de pondre. Et chacun et chacun, toi c'est toi, moi c'est moi, et nous sommes morbleu, chose fort différente. Un diabolo citron, c'est pas un périémante. Ah, j'ai l'autre information. Elle peut m'être utile si je retourne un jour dans un bistrot en ville. Ne commets pas, Raymond, cette erreur si fréquente de confondre un demi avec un périmante, c'est ça? Bon, tu as mauvaise grâce à te moquer de moi. Ne vois-tu pas mon âme si emplie d'un émoi qu'il m'interdit, hélas, de goûter à tes blagues, qui me perce le cœur comme fait une dague? Au fond, me résignant à cette issue extrême, je n'ai fait rien de plus que m'écouter moi-même. Et ma voix intérieure disait que j'aurais tort de me croire si fin, si roublard et si fort pour tromper et très longtemps l'étroite et surveillance à laquelle est soumis tout le peuple de France. Je te l'avoue, Raymond, je n'étais pas de taille à livrer aujourd'hui aussi rude bataille. Et j'admire et j'envie votre si grand courage qui vous fait dire non à ces lois de notre âge. Voilà, en bref, Raymond, ce que je peux arguer pour expliquer un geste qui ne peut s'excuser. Allez, Marcel, abonnez, c'est pas si grave, allez. Tu as écouté ton cœur et suivi ta conscience. Ce n'est certes pas moi qui viendrai t'en blâmer. Tu restes mon ami, tu gardes ma confiance. Ils ont beau jeu, vois-tu, de tous nous diviser pour mieux nous asservir et mieux nous contrôler. Ils riraient de bon cœur, comme au palais d'Ithaque, les princes prétendant jubilés démoniaques, au coup que se portaient Ulysse et leur Hyros, excitant les assauts de ces deux vieux sacs d'os, et jouissant sans frein de voir deux misérables se lancer au visage des poings impitoyables. Oula, ça c'est bien dit, hein. Ouh, hein, franchement, là, hein. C'est champion, hein. On dirait que j'ai pris des cours chez Mélenchon. Je cite l'Odyssée sans en connaître un mot. Je vais pouvoir trôner dans les réseaux sociaux. On pourra-t-il liker ma crasseuse ignorance hein, en pensant que je sors du Collège de France hein. Te donnant la dragée haute moindre pinombelle, je pourrais faire croire à tous les Pères Noël. Et si j'ose affirmer net ce dont je ne sais rien, l'avenir est à moi. Ben voilà, Facebooké. Il faudra tout de même abaisser mon niveau. On n'a jamais jugé que c'était un bon signe d'être un peu cultivé pour un gars de la vigne. Si je parle trop bien, ils vont trouver sa louche. Molière, pour le coup, m'en a mis une couche. Mais là, pour Bourgogne, c'est vraiment un peu trop. Bref, pour venir avec ce que je te disais, il serait trop heureux si on se querellait, si nous nous regardions en vieux chêne de faïence, voilà ce qui serait pour eux la récompense. Non, Marcel, non. Ne leur donnons pas cette joie de nous voir nous fâcher aujourd'hui, toi et moi. Si tu juges en ton âme qu'on t'a pu garantir que ta bonne santé ne saurait en pâtir, que ce fameux produit, ton imbé de secret, ne nuira pas un jour à ton intégrité, si cette décision en tout est bien la sienne. Ce, pour mille raisons qui au fond lui appartiennent. Que celui qui le veut soit libre de le faire. Mais qu'on n'oblige point qui ne s'y résout pas. C'est tout à l'opposé de l'esprit de Molière, et depuis Nuremberg, c'est contraire à la loi. Et sur ce, ayant dit ce que j'avais à dire, de cette comédie sans bruit, je me retire, laissant la place au roi de la métampsychose, je file chez Sandrine, hein, réservé 600 doses. Noir, et l'épilogue, Jean-Charles arrive, perruque, fanfreluche, Jean-Charles, perruque à la Molière, et il chante Molière. C'est moi, je suis plus heureux qu'un roi, n'est-ce pas une grande chose? que grâce ou à cause de la métempsychose, Molière soit toujours là. Molière, c'est moi qui plus de. Attention, bien sûr, de vos applaudissements aussi, ça fait toujours plaisir. Il y a une scène qui est dans le livre, mais que je n'ai pas jouée, car ça nous porterait, ça porterait les lectures que je fais à 2 heures, et ce serait, à mon avis, un petit peu trop pour le public de rester 2 heures assis sur une chaise à écouter un guignol le raconter ses salades. C'est une scène moliéresque, très farcesque en fait, entre le garde et le maire, que vous retrouverez dans le livre si vous le souhaitez. Voilà. Ou en venant voir, même pas en venant voir le spectacle, puisque je pense que sur scène, c'est une scène que je ne jouerai pas. Ça porte le spectacle trop. Ça leur rend trop long. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Sinon que le chapeau va passer parmi vous. Si vous avez aimé, vous donnez quelque chose. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez faire ce que vous voulez, sauf prendre le chapeau et partir. Ah non. Hein? Voilà, c'est pour ça. Il est à toi, le chapeau, et tu y tiens. Voilà. Et voilà. Le livre, si vous le souhaitez, si vous n'avez pas tout compris, est à votre disposition aussi. Et sinon, eh ben, je vous remercie d'être encore une fois être venu, et surtout merci à Philippe et Marie-Vonne de leur accueil, leur invitation, de leur accueil, et toujours aussi formidable, quoi. C'est toujours du plaisir de venir ici. De toute façon, on va discuter autour d'un verre.